pour avoir la paix, la grande paix, pour que tu vives. Pour que tu vives dans le pouvoir, pour que tu vives du pouvoir et de l'énergie, faut que tu combattes avec eux autres. Fait qu'éventuellement, tu as tellement combattu avec eux autres, tu as passé des tests, autrement dit. Il n'y a rien pour rien. Tu as passé des tests. À ce moment-là, ils sont obligés d'oublier les chanteuses. C'est un peu représentatif de l'humanité. Tu sais, une femme, à un moment donné, quand tu accouches, avant le but de là, tu vas mettre un enfant au monde, tu sais, quand la petite. Mais quand tu accouches, il y a un. Les premiers temps, les premières heures, ok, tu penses à l'enfant que tu vas mettre au monde. Mais à un moment donné, là, ta chance est tellement grande qu'il n'existe que tête. Hein? Bon, OK. OK, tu n'as peut-être plus d'enfant, tu peux rien savoir d'enfant. OK? Quand tu es venu au monde, tu es content. Mais dans le mouvement, là, tu comprends? Bon, mais c'est ça que je veux dire. Si tu sais au niveau du mental, c'est la même chose. Mais c'est ça. Mais dans ce moment-là, je veux dire, dans les races futures, les femmes n'accoucheront plus, mais ne donneront plus la vie dans la douleur non. Parce que ça sera plus rapidement sorti. Explique donc un petit peu. Moi, la seule chose qui me vient, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est vibratoire parce que pas pour ça que je sens que c'est là aussi, que plus tu peux pas faire. Ils ont pas, ils peuvent pas sentir ce que c'est que plus tu peux pas faire. Pour ça. À les gens ici qui sont ici, peu importe, j'ai parlé de le faire. Quand ils ont un moment de souffrance intense, ceux qui en ont eu, là, la belle, le pouvoir, je la presse. Mais ils ont besoin. Quand tu prends, t'avais pas personne là. Là, tu n'avais pas personne dans la tête, tu peux tourner, c'est comme ça que j'appelais. Si on ne connaît pas personne, on ne connaît pas cette intensité de couleur. Mais moi, je lui aurais, parce que j'ai vu de lui, moi, avant que tu m'appelles Tony Tina, un dimanche, quand j'ai parti petit, ma mère était Julien, elle est montée sur le siège en arrière, puis j'ai lui donné la place. Après ça, tout a changé. Je comprends ce que tu dis. Puis je comprends, Diane, c'est que tantôt, quand tu parlais de patience, et la patience, pour moi, c'est clair. Patience, et puis d'agir comme ça. Pour moi, c'est depuis ce temps-là que ça a changé. Depuis ce temps-là, peut-être que tu m'avais cité un point au séminaire, à un moment donné, puis j'avais dit que tu m'avais senti, puis là, que l'autre, c'était. Ça m'a un peu soulagé parce que j'avais. Par moments, ça m'arrivait. Comme disait, que j'avais été pour moi, il me disait, tu ne pas, tu qu'est-ce qu'il dit, reste-tu, puis si je disais que vous comprenez, vous ne comprenez pas, mais en tout temps pareil, puis encore. C'est là que tu détruis pas. Ouais. La seule différence, quand tu es visionné, tu ne peux pas passer à côté. C'est la tête que tu parlais tantôt. Je n'ai pas rien d'autre. Parce que c'est une job. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'amènent au plus niveau, grand niveau de perfection qu'ils peuvent sur le plan vibratoire. Fait que, suivant ton travail, comme moi, il faut que je parle. Moi, s'ils veulent que je parle pendant deux jours, il faut que je sois tourné pour parler pendant deux jours. Il faut que ça passe, papa. Là, tu peux pas passer. Il faut que ça passe. Fait qu'il tourne mon mental. Puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne. Puis en même temps, il tourne mon système de route. Faut que je capote, faut que je tape. Faut que je dors. Faut que la vibration me tienne. C'est ça qui passe. Faut qu'il t'ajuste à notre plein. C'est ça, constamment. Après, tu prends. Aujourd'hui, là, tu sais plus. Là, il faut dire, tu vois comment c'est nécessaire que tu tournes dans la vie du monde. Mais, je suis devenu tellement agressif contre l'autre. Je suis devenu tellement centré. Je connais tellement les lois du cosmos que je vais demander de m'en parler. Vas-y, vas-y. Ou ils vont dire, on t'aime bien. Non, peut-être que tu. Mais, tiens. Moi, je suis un homme libre. Je suis un agent libre. Vous autres, là, aujourd'hui, vous pensez encore des anges, des petites étoiles. Vous êtes encore dans la peur. Même si vous essayez d'en sortir, vous n'êtes pas capable parce que vous n'avez pas détruit cette énergie-là. Il y a tout des peurs, des sentiments. Mais vous parlez de d'autres idées, comment c'est là? Ah, c'est pas. C'est retardateur d'avoir l'Église avec ses images. Ça fait partie de l'évolution! Ça fait partie de l'évolution! Si, ça fait partie de l'évolution! Voilà que l'homme commence quelque part, puis il est arrivé aujourd'hui. Puis là, l'homme va se réveiller parce qu'il y a une révolution dans la psychologie-là. Parce que ça s'en va dans l'autre direction. Que vous preniez n'importe quoi ça la terre, n'importe quelle idée, n'importe quelle philosophie, n'importe quel système, va tout les mettre à terre. Toute la gang! Toute la gang! Toute la gang! Que ce soit n'importe quel maître, va tout vous les mettre à terre. Donnez-vous ça. Mais je vous dis, servez-vous-en, parce que tant que ça vous sert. Mais vous allez arriver un jour que vous allez être obligé de réaliser par vous autres mêmes que j'avais là. Donnez-vous ça. Que vous vous portiez intellectuellement, que vous faites l'overtime avec votre ego, ça c'est votre vie, ça, je peux pas y rien y faire, il faut vous passer à travers. Mais un jour, vous allez comprendre que ce que je vous disais dans ce temps-là, c'était ça, parce que vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Mais pour que ça commence quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous le dise. C'est pas dans les livres que ça sort. Il faut que ça soit transmis de bouche à bouche, dit dans quoi, de bouche à bouche. Ça, je vous dis les cassettes que je vous fais. J'ai tout du matériel. Et le bonheur parfait, tu m'en as pas de ça. Le bonheur parfait? Le bonheur parfait, vous l'aurez quand vous serez rencontré dans les terres. Ok, ça c'est parfait. Mais d'ici à ce temps-là, vous pourrez être bien dans votre peau. Puis sa terre, le plus grand bonheur que l'homme peut avoir, c'est d'être bien dans sa peau. Ouais, puis celui-là qui reste matériel, disons, c'est pas le comte de Saint-Germain qui vit tout le temps comme ça. Il y a quelqu'un qui ne meurt pas, qui garde son corps, qui veut garder son corps, peut-être faire quelque chose. Celui-là, lui, c'est ça. Il est-tu dans le temps? Dans le temps. Il est dans le temps. Il se matérialise. J'essaie de vous aider petit à petit, à vous ouvrir à mon esprit, pas à vous fermer sur votre esprit. Quand vous allez vous ouvrir assez à mon esprit, là, ça va rentrer, puis là, votre esprit va vibrer, puis là, vous allez comprendre comment. Ça veut dire que vous amenez un certain niveau vibratoire, c'est ça. Tout vibratoire, c'est pas la connaissance que vous donnez. L'éther vient quand vous êtes mental. L'accès à l'éther vient quand vous êtes mental. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'éther si vous n'êtes pas mental. Vous ne pourrez jamais faire face à ce lien-là. Elle devrait être révisionnée depuis l'émotion. C'est un corps émotionnel. Mais il sert positivement, il ne traite pas. Ça va d'overtime. Comment on va faire l'overtime? Quand on va faire l'overtime? Quand on va faire l'overtime? Quand on va faire l'overtime? Vous autres, consciemment ou inconsciemment, vous voulez tout comprendre tout de suite, là. Là. Vous venez d'un séminaire, là, vous pensez que vous allez sortir les stress, vous allez comprendre tout de suite. Pas même, ça va. Non, vous venez comprendre tout de suite. C'est interne, vous autres, vous pouvez pas comprendre tout de suite. Ça ne revient pas de la vie, ça avance. C'est petit à petit, ça avance. C'est petit à petit. Coupez vos carottes, buvez du corps.